La la la la la la la la la la la. Tu connais pas Super Trump? Tu connais pas Super Trump? Please tell me who I am, who I am, who I am. Bonsoir Frédéric Sigrist, c'était bien cette émission sur Super Trump. Par contre, c'était juste pour vous dire que quand même faire une émission sur Super Trump sans parler de Child of Vision, c'est quand même dommage. Vous l'avez mis en fond, en musical, mais Child of Vision, quand même, tous les amoureux de Super Trump doivent se reconnaître dans ce morceau, c'est extraordinaire. Moi, quand j'étais petit, je mettais pendant des heures la chanson Dreamer de Supertramp. Le problème, c'est que mon père ne l'avait qu'en disque vinyle, donc pour l'écouter en boucle, je devais me relever toutes les 3 minutes 31 pour replacer l'aiguille sur le sillon du début. Ah ouais, j'étais motivé. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said Dreamer. Moi, mon morceau préféré, c'est Fools of a Cha. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Faut mettre ça à fond et puis après, on est déchaîné. Arrêtez de comparer Supertramp avec les Beatles, quoi. Ça n'a rien à voir, quoi. It's raining again. Oh no, my love at the end. Oui, bonjour Dedo, je voulais te féliciter ainsi que toute ton équipe pour cette merveilleuse émission qui est Blockbuster. Le duo que tu formes avec Frédéric Sigrist marche super bien et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Allez, à bientôt, bye. To be or not to be. Dans les jeux vidéo, on parle souvent de monde ouvert. Alors attention, en jeu vidéo, un monde ouvert, c'est pas un monde à la pointe du progrès social et de l'ouverture d'esprit, un jeu sans frontières où l'individu pourrait s'épanouir sans être défini par son genre, sa sexualité, sa religion ou son absence de religion. Non, non, non, non. Un monde ouvert en jeu vidéo, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Un monde ouvert, c'est le plus souvent une immense carte que l'on peut parcourir à pied, à cheval ou en voiture, et où l'on va rencontrer tout un tas de personnages non jouables, désœuvrés, qui attendent sur un pas de porte que quelqu'un passe afin de leur donner une quête qu'ils sont incapables de réaliser tout seuls. Un personnage non jouable, un PNJ dans un jeu vidéo, c'est un client à qui un livreur vient d'annoncer qu'il passerait entre 8h du matin et 20h du soir. Et toi, en général, vu que tu as quelques heures à tuer, étant donné que le boss de fin a la délicatesse de t'attendre à l'autre bout de la carte, sans broncher, pour te laisser gagner de l'expérience avant que tu puisses le battre, eh bien tu vas les faire, ces quêtes, ce qui donne un illusoire sentiment de liberté. Le plus souvent, il y a autant de liberté de choix dans un monde ouvert, de jeux vidéo, que dans un deuxième tour Macron-Le Pen à la présidentielle. Mais la mode est au monde ouvert. Pourtant, il y a encore des auteurs de jeux vidéo qui font de la résistance, qui veulent te proposer leur vision et surtout leur histoire. Last of Us en fait partie. Dans une société où l'avis du consommateur prime sur tout, où les études de marché ou des fanbases écrivent des scénarios de films à la place des scénaristes, il est rassurant de voir qu'une histoire, ça reste avant tout des auteurs et des contraintes. Car il ne faut jamais oublier que les contraintes peuvent aussi être génératrices de liberté. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Alors comme ça, t'es ami avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. En 2013, le studio Naughty Dog, à qui l'on doit déjà des jeux vidéo tels que Crash Bandicoot, Jack and Dexter ou Uncharted, sort Last of Us. Un jeu se déroulant dans un futur post-apocalyptique où l'humanité a été ravagée par une pandémie provoquée par un champignon appelé le Cordyceps. L'histoire suit le voyage à travers les États-Unis de deux rares survivants, deux compagnons d'infortune qu'au départ tout oppose, Joel, un père désabusé et cynique dans le deuil de sa fille perdue, et Ellie, une adolescente qui cache un lourd secret. Derrière ce canevas hyper classique se trouve un des jeux, et surtout une des histoires les mieux écrites et les mieux interprétées de ces dernières années, tous supports confondus. Un jeu qui s'est vendu à 17 millions d'exemplaires pour le premier opus, et le second, lui, a fait un démarrage en se vendant à 4 millions d'exemplaires en seulement 3 jours, faisant de lui le meilleur démarrage sur PlayStation 4. Pour revenir sur ce jeu, qui a retourné la tête de plein de joueurs sur la planète, j'ai avec moi Mathias Lavorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur sur l'émission de jeux vidéo Retro Game One, avec Marcus, diffusé sur la chaise Game One, et vous avez écrit la chaîne Game One, pas la chaise, parce que une chaise Game One, il y a des chaises là-bas. Je sais bien qu'il y a des restrictions budgétaires de temps en temps, mais de là à avoir qu'une chaise, ça serait vraiment gênant, la chaîne Game One. Et vous avez écrit un livre d'anecdotes sur les jeux vidéo actuellement en préparation chez City Edition, et il devrait sortir en 2021. Tout à fait, c'est programmé. Avec nous également, et je suis ravi de l'avoir autour de la table, Muriel Pérez, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes la programmatrice musicale sur France Inter et programmatrice musicale de l'émission. Et vous êtes fan de Last of Us. Oh là là, ça n'a rien de le dire. Avec nous également Loïc Bartolini, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien et vidéaste. On peut retrouver les dates de votre tournée et tout l'univers de votre spectacle Photographe en Liberté sur votre chaîne YouTube, avec des tutos photos, des sketchs, des carnets de voyage et des podcasts. C'est si bien résumé. Et avec nous également Valentine Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice et vidéaste et on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube Valoche, le clou du spectacle, où vous animez une émission de vulgarisation théâtrale destinée à tous les curieux du spectacle vivant, néophytes ou amateurs passionnés. Exactement. Ensemble, on va retracer la genèse de Last of Us, ce qu'il représente pour le studio Naughty Dog. On va vous parler des personnages, des mécaniques de jeu, mais surtout, on va vous parler de narration. Car à l'instar de grands romans, de films ou de séries cultes, c'est bien l'histoire de Neil Druckmann, le créateur du jeu, qui fait passer le joueur par des montagnes russes émotionnelles et qui confère à ce dernier ce statut d'œuvre culte. Last of Us, press start. T'approches pas d'elle. Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. Vous venez d'entendre un extrait de Last of Us partie 1 avec un échange entre Joël, Ellie et Tess qui sont respectivement doublés par Cyril Monge, Adeline Chetaille et Marie Zidi. Mathias Lavorel, Last of Us, ça parle de quoi? Vous l'avez très bien résumé au début, Frédéric. En fait, Last of Us, ça parle d'une pandémie qui affecte le monde entier avec un taux de mortalité qui est dans les 60%, qui est très très fort. Et donc là, ça commence aux États-Unis en 2013, pile au moment de la pandémie. Et on voit que l'État est dépassé, l'armée intervient, ils font ce qu'ils peuvent. Et le jeu commence sur les chapeaux de roue, par une scène d'une violence rare et complètement inédite dans un jeu vidéo. Et quand on parle de violence, on parle pas forcément de violence visuelle, c'est aussi une violence psychologique. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que ça questionne le joueur. Exactement. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup joué, et c'est la première fois que je voyais ça. Et la première fois que je vivais ça, parce que vraiment il y a quelque chose qui est très fort avec ce médium, c'est que on a la manette en main et le personnage chez nous, parce que si on veut qu'il s'arrête, il s'arrête, si on veut qu'il avance, il avance, etc. Et ça change vraiment la donne. Quand on regarde une série télé, on peut avoir de l'empathie pour un personnage, mais le personnage va faire ce qu'il a à faire, quoi qu'on fasse dans le canapé, sauf si on fait pause, mais ça n'a... Oui, et il faut préciser aux auditeurs que pour Last of Us numéro 1, on commence en incarnant Sarah, la fille de Joël, donc vraiment dans un environnement... Alors Frédéric, vous avez dit no spoil, excusez-moi, je vous interromps. Oui, mais enfin là, c'est quand même le tout début du jeu. C'est du premier jeu, la première partie. Mais vous me dites no spoil. Ah oui, mais là, sinon ça va être très très compliqué. Le premier quart d'heure. Alors allez-y, je vous laisse la responsabilité. Voilà, donc on incarne la fille de Joël avant même que cette pandémie explose et ravage le pays. Et on voit tout simplement, on joue une jeune adolescente avec son père, Joël, qu'on devine plus qu'on ne connaît. Hein, on essaie de voir un petit peu quel est leur milieu social. Ils ont l'air d'avoir un petit peu de problèmes d'argent, mais ils sont d'un milieu modeste. Et soudain, la pandémie éclate et on sombre on progressivement dans une forme de cauchemar. Il y a une ellipse et on retrouve un Joël complètement transfiguré 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Donc voilà, on a été... on a été bien. Bon. Et 20 ans plus tard, en fait, ce qui est fort, c'est que, comme vous le dites très bien, Joël est transfiguré et on découvre, ils sont à Boston, et on découvre la ville... comment elle a évolué en fait en 20 ans, les choses se sont un peu tassées. On comprend qu'il y a un groupement révolutionnaire qui s'appelle les Lucioles. Et Joël, lui, c'est quelqu'un qui est... ils disent que c'est un contrebandier. C'est quelqu'un un franc-tireur. C'est-à-dire, il fait des petits contrats. Lui, il prend part pour personne. Et d'ailleurs, il lui met un point d'honneur à ne plus s'attacher à qui que ce soit. Vraiment, c'est tout pour ma pomme. Mais il est dévasté, en fait. Je suis un survivant. Et Muriel Pérez, vous avez la parole, gardez-la. Comment avez-vous découvert La Sauveuse pour la première fois? Parce que les auditeurs de France Inter ne le savent peut-être pas, mais vous êtes une hardcore gameuse. Hardcore gameuse, non, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo, particulièrement les jeux d'aventure. Faut pas mentir, Muriel, moi j'ai vu les étoiles dans les yeux. Les trois jours de congé. Moi j'avais déjà joué à Uncharted, donc je connaissais déjà un peu le genre d'histoire que produisait le studio Naughty Dog. Uncharted qui est l'autre grosse licence du studio Naughty Dog. Qui est aussi un jeu très, très intéressant, très bien. Et The Last of Us, donc forcément je l'attendais. Et en fait, ce que vous avez dit, Frédéric, est très vrai. Dès les premières minutes du jeu, on est happé. Et après, c'est impossible de ne pas aller au bout de cette histoire. Il y a des moments de tension extrême. En fait, depuis le début du jeu, depuis la première partie, donc le jeu, la partie 1 du jeu. Et c'est la même chose dans The Last of Us Part 2, dont nous parlons un petit peu aujourd'hui aussi. C'est les sentiments que l'on ressent sont d'une force, d'une violence inouïe. Et j'avais, je crois, jamais ressenti ça dans un autre jeu. Donc, parce que Valentine Roux, Loïc Bartolini, je pense que vous allez confirmer ce que dit Muriel. C'est ça la grosse différence entre Last of Us et plein d'autres jeux qui se passent aussi dans un futur apocalyptique. C'est-à-dire que c'est un canevas assez classique. Ça peut sembler bizarre, mais quand on joue aux jeux vidéo, on est à l'habitude d'un monde dévasté. Ce qui change dans Last of Us, c'est qu'on est vraiment au plus près, mais vraiment au plus près des personnages et de ce qu'ils ressentent. C'est la part émotionnelle, c'est tous les jeux de zombies en règle générale qu'on peut voir, c'est souvent, on dit c'est faire du frag, c'est-à-dire que c'est tuer des adversaires et se confronter à eux. Mais c'est des jeux qui sont assez fun, mais qui peuvent être très ennuyants émotionnellement en tout cas. Là, l'histoire prend tellement le dessus que, on se retrouve, comme tu disais, à être ému, à avoir peur, mais il n'y a pas que de la peur justement, on passe par tout un panel d'émotions. C'est vrai que tout est écrit pour provoquer chez nous, chez le joueur, de l'empathie pour l'ensemble des personnages. Et j'oserais... même de la détestation, des fois. Et effectivement, même de la détestation. Je pense beaucoup aux monstres, aux fameux coureurs, les claqueurs, tout ça. On en reparlera sûrement tout les à l'heure. Infectés. C'est le nom les des infectés dans cet univers post-apocalyptique. On les appelle les infectés et ils sont divisés en différentes catégories. C'est ça, j'y pense beaucoup parce que dans cette narration-là, tout est aussi fait pour qu'on puisse comprendre quel est leur chemin à eux, les monstres, et pour pas qu'on les considère vraiment comme des monstres à éliminer, comme une espèce de vermine, mais comme d'anciens êtres humains qui ont malheureusement été touchés par ce champignon. Et c'est ça qui est très fort aussi dans ce jeu-là. J'ai pas d'autres exemples de jeux qui nous font provoquer de l'empathie pour des monstres qu'on doit malheureusement éliminer effectivement hein, pour survivre. D'ailleurs, petite anecdote sur la création du jeu. Il a été inspiré par un épisode d'un documentaire sur la BBC où c'était Neil Druckmann qui était tombé dessus avec son co-auteur et c'était des champignons en fait qui prenaient possession de fourmis. De fourmis. Et les fourmis continuaient à vivre. Zombies. Exactement, continuaient à vivre, mais c'était le parasite qui les contrôlait. Donc du coup, elles restaient à l'état de fourmis. Et du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on peut retrouver cette humanité dans ces personnages, même si clairement, on n'a pas très envie de les prendre dans les bras quand on les voit. Alors, si vous avez joué à Last of Us 2, ce morceau va forcément vous évoquer quelque chose. On écoute Aha avec Take On Me. Et faire une émission d'été, des fois, c'est aussi un peu un jeu de survie. Il faut tenir 2 mois sans cartouche d'encre, sans ordi, avec un trombone pour 4. Et des fois même sans bureau. Pourtant, depuis 4 ans, Céline Hila est à la réalisation, Jeanne Paravert et Alice Delcourt à la préparation. Et je remercie également Tom Malky, notre stagiaire, qui des fois accepte de travailler sans chaise pour aider le service public. Don't Take on me de Haha. Oh, qu'est-ce que j'aime bien. On est bien sûr France Inter sur le territoire de Blockbuster et on est toujours en compagnie de l'auteur Mathias Lavorel, de la programmatrice musicale Muriel Pérez et des comédiens et gamers Loïc Bartolini et Valentine Roux pour parler du jeu vidéo Last of Us. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? C'était une fois de plus un extrait de Last of Us numéro 1 et ça me permet de vous poser la question à tous et à toutes. Est-ce que le vrai succès de Last of Us, c'est pas justement ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire des performances d'acteurs, de jeux, qui font que, en tant que joueur, eh ben, on est tout de suite impliqué dans une histoire qui dépasse largement le cadre de ce que l'on avait l'habitude de voir dans le jeu vidéo? Loïc Bartolini. Je sais pas, parce que on a toujours eu cette image du jeu vidéo jusqu'à The Last of Us où on allait vers des performances, vers un côté plus hardcore gamer de plus en plus. Et là, c'est vraiment un jeu. D'ailleurs, je crois qu'ils en disaient dans une interview, ils pensaient pas que ça allait avoir un tel succès. Ils se doutaient pas de l'implication que le public allait avoir dessus. Et c'est vrai que, à titre personnel, moi, c'était le jeu que j'attendais parce que j'ai grandi avec tous les point and click, c'est tous les jeux qui sont vraiment avec des jeux histoire. À la souris ou exactement des petits jeux d'énigmes et puis on avance comme ça, donc c'est chiant à jouer dans le sens où on clique sur des boutons, mais là ça mélangeait action et le jeu du coup des comédiens. On entend là juste sur les voix, moi ça me file les frissons juste d'entendre les dialogues parce que j'ai des bribes d'histoire qui reviennent. Et oui, c'est sûr que ça a été une claque parce que les gens s'y attendaient pas, je pense. Valentine Roux. Et au-delà de l'interprétation des comédiens, je suis très très très admirative de la manière dont les dialogues sont écrits, les interactions des personnages, et je suis absolument fan du small talk auquel on a accès pendant les phases d'exploration, disons les phases un petit peu plus calmes, où on se promène dans une jungle urbaine dévastée, où la nature a repris ses droits et où Joël et Ellie vont parler du dernier comics qu'ils ont lu et qui y dévient vraiment de l'univers dans lequel ils sont, dans la quête dans laquelle ils sont, pour parler vraiment de complètement autre chose, de la même façon qu'on pourrait parler pendant qu'on travaille de la dernière série qu'on a vue. Et je trouve que ça participe réellement au réalisme des dialogues. Et justement, Mathias Lavorel, est-ce que c'est pas une singularité, mais toute nouvelle du jeu vidéo, d'avoir inventé cette nouvelle forme de narration? C'est-à-dire, par exemple, se promener dans les ruines désaffectées d'un bâtiment, remplir son sac à dos, et avoir un personnage à ses côtés qui par des phrases anodines, le joueur peut prêter attention ou non à ce qui est en train d'être dit, mais en train de se révéler et donc faire avancer l'histoire par le chemin comme ça, mais sans faire ce que le cinéma ou la télévision fait habituellement, c'est faire un gros plan sur attention, le personnage est en train de dire quelque chose de vital. En fait, c'est toute la complexité du jeu vidéo, parce que encore une fois, c'est le joueur va décider ou pas de regarder, décider ou pas de s'arrêter, de lire une petite note s'il y a une note qui est à disposition. Et je crois que la grande force de Naughty Dog, du studio qui a fabriqué le jeu, c'est d'avoir pensé que les joueurs pouvaient être intelligents et de leur avoir fait confiance, en fait. Et ce que disait Valentine sur les petites conversations, justement, c'est un exemple de la volonté d'un souci du détail, en fait. Je crois que ce qui caractérise le mieux les jeux Naughty Dog, et en particulier ce qui fait la différence avec les autres, c'est qu'ils poussent le niveau de détail le plus loin possible. Personne n'a jamais fait ça avant, et c'est des choses qu'on voit pas forcément, mais qui vont nous plonger bien plus profond que les autres jeux dans la psyché des personnages, dans le moment qu'ils sont en train de vivre. Et c'était le cas déjà pour le premier épisode, où techniquement, il y avait encore les machines n'étaient pas aussi puissantes qu'aujourd'hui. met déjà une lumière, parce que dans les endroits sombres, on peut allumer une lumière pour y voir plus clair, c'est normal. Et une lumière qui passe dans les yeux de son partenaire, ça l'aveugle. Ça l'aveugle. Et le personnage a un petit mouvement de recul, par exemple. Et les créateurs aussi ont fait des choix de développement de jeu. Par exemple, pour essayer de situer au mieux l'univers dans lequel ils sont, comment on fait ? Est-ce que on passe par les dialogues entre les personnages ? Non, parce que ça va être un peu saoulant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On met des notes quelque part, glissées à droite, à gauche, et on voit des témoignages de gens qui ont vécu là, et on comprend petit à petit. En fait, la peinture devient de plus en plus précise, et ça, c'est quelque chose d'inédit, et ça pousse le joueur. En tout cas, moi, dans mon expérience, ça m'a poussé à le faire, à prendre le temps, à vraiment me poser, et du coup, on vit vraiment la chose pleinement, quoi. Muriel Pérez, Naughty Dog est aussi responsable du jeu vidéo Uncharted, qui avait la même caractéristique d'avoir une cinématographie très très forte. Ouais, très poussée, ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de vivre. Alors pour Uncharted, c'est un film d'action, mais pour Last of Us, ça pourrait être un film plus intimiste, ouais, mais c'est, penser c'est... à la route. Ouais, exactement, ça m'a fait vraiment penser dans l'émotion qu'on ressent, dans le questionnement sur l'humanité après une catastrophe. Qu'est-ce qu'on devient quand on n'a plus rien, quand on doit survivre, est-ce qu'on s'entraide, est-ce que c'est ça qui prédomine, ou est-ce que ou est-ce qu'on se massacre. Et dans la route de Cormac McCarthy, il y avait déjà tout ça. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que je pleurais beaucoup. Et dans The Last of Us, on n'a pas trop le temps de pleurer, même s'il y a des moments très très forts en émotion, parce qu'il y a aussi des moments d'une tension extrême qui font que il faut qu'on avance, il faut qu'on s'enfuit, il faut qu'on se cache, il faut qu'on se batte, sinon on meurt. Et ces moments sont contrebalancés par d'autres moments de calme, de beauté, de lumière. Oui, on arrive dans une clairière et tout d'un coup, il y a quelque chose de féerique, comme si c'était une sorte de parenthèse enchantée dans un monde. C'est ça. Et la mise en scène du jeu donne le temps à l'appréciation de ce moment. C'est-à-dire que le cadre, la lumière, tout fait qu'on a envie de se poser et voilà, d'attendre. Et ce que tu disais aussi sur les notes qu'on trouve, c'est aussi, alors je trouve que c'est une super trouvaille, parce qu'effectivement, de lettre en lettre, on peut suivre comme ça, sans les avoir rencontrés, sans les voir jamais, l'histoire d'autres êtres humains, qu'ils soient des lucioles, qu'ils soient des membres de Wolf, qu'ils soient des gens qui ont été infectés ou qui ont été massacrés. Oui, ils ont tous Ils ont tous, voilà, c'est ça, et c'est très très fort. Et il y a des moments d'une tristesse, enfin il y a des lettres d'une beauté ou d'une tristesse absolue, je trouve. C'est terrible, ouais. Ces moments où on prend conscience d'histoires qui sont passées, en fait, qui ont été vécues. Qui sont finis. Alors, jouer à Last of Us, c'est une expérience qui laisse des séquelles, donc n'hésitez pas à nous appeler pour nous raconter ce que vous avez ressenti, votre expérience de joueur, la parole est à vous, au 01 56 40 30 20. Et Muriel, on va écouter la chanteuse Pomme. Alors explique-nous pourquoi ça vaut le coup, dans cette émission, qu'on écoute Pomme, et à part le fait qu'elle soit fan de Miyazaki, ce qui a fait d'elle une très belle personne. Alors Pomme, c'est un morceau qui s'appelle La Lumière, donc c'est pour rebondir un peu sur ce que je disais à l'instant, sur des moments de luminosité absolue et qui font du bien, parce que vraiment le jeu est très éprouvant, c'est même physique. Et donc Pomme, c'est une petite chanteuse française, une jeune chanteuse française qu'on suit. Son premier album, enfin son nouvel album s'appelle Les Failles. Cette chanson, La Lumière, donc parle de l'enfance disparue c'est d'actualité. On l'écoute. Ça colle très bien avec The Last of Us, vous allez voir. Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur maison. drôlement bien Pomme avec la lumière. Frédéric Sigrist. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Et il y a le personnage d'Ellie dans Last of Us, qu'on découvre donc dans la première partie sous les traits d'une jeune adolescente à la langue bien pendue, et qui va évoluer tout au long de cette histoire et devenir un personnage totalement autonome, badass, jusque dans Last of Us 2, et qui, chose rare, enfin plus si rare que ça dans le monde du jeu vidéo, mais quand même, est homosexuel. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu aussi, parce qu'il y a des choix qui ont été faits par Neil Druckmann dans Last of Us 1 et 2, qui sont très très loin d'être les choix de quelqu'un qui se dit « Tiens, je vais me faciliter la vie avec la communauté des joueurs de jeux vidéo. » C'est vrai, Mathias Lavoral. Alors oui, juste pour la petite histoire, Neil Druckmann n'est pas le seul décisionnaire dans cette histoire-là. Et notamment sur The Last of Us, c'est vraiment très participatif et c'est ce qui fait aussi la différence avec les autres studios. C'est-à-dire que leur façon de créer les jeux, c'est ils font d'abord le scénario le plus béton possible et une fois qu'ils ont leur base, ils font rentrer les designers et tout le monde réfléchit ensemble à la meilleure façon d'arriver et d'exprimer ces choses-là. Et les designers apportent beaucoup, ce qui est en général, ce qui n'est pas trop le cas. Normalement, c'est tu fais le boulot et puis c'est tout. Et là, vraiment, au niveau du scénario, ils sont capables d'avoir des influences. Et pour donc la petite histoire, au tout début, quand Bruce Trollet et Neil Druckmann ont voulu proposer The Last of Us, l'idée de base, c'était de dire « Seules les femmes sont infectées. » Et comme ça, on va pouvoir aborder en fait les droits de la femme, etc. Et on aura ce personnage d'Ellie qui, elle, sera immunisée. Et les femmes du studio les ont regardées en disant « Sérieux, les gars, vous êtes sérieux ? » Vous savez ce qui va arriver ? Ce qui va arriver, c'est que les joueurs vont juste matraquer des femmes qui seront infectées. Et c'est tout ce qu'on va retenir. Et ils ont dit « Ah ouais. » Ouais, c'est pas une bonne idée. Et du coup, on peut imaginer que... Et là, c'est là quand même qu'on sent que le cerveau masculin est pas forcément très très bien irrigué. C'est qu'il a quand même fallu avoir une réunion de meeting avec des tableaux et dire « Ah ouais, oh là là !» C'était pas forcément une évidence. Mais ça prouve aussi qu'il y a une grande écoute et effectivement, entre le 1 et le 2, il y a beaucoup de thématiques sur l'homosexualité, le transgenre, des thématiques comme ça qui sont pas forcément évidente. La religion, sachant que c'est un studio qui fait des jeux, ce qu'on appelle triple A, c'est-à-dire des blockbusters. Et derrière les blockbusters, il faut que ça rapporte un maximum d'argent. On le voit bien avec les X-Men, les Avengers et tout ça. Et là, les choix du studio qui ont vraiment le dernier mot, c'est de dire non, on va aborder ces thèmes-là, quitte à fâcher les fans ou à peut-être gagner moins d'argent. Et je trouve ça très très sain de se dire qu'il va y avoir une grande majorité de gens qui vont incarner un personnage homosexuel, qui vont au moins entendre des thématiques qui n'entendraient peut-être pas forcément différentes. Ouais. Et aussi, Juste après, parce que justement, malgré un énorme succès, Last of Us 2 a clivé la communauté des joueurs sur certains points. Et Last of Us 2, y a des gens, c'est étonnant, mais ils aiment pas. Owen, alors, c'est pas qu'il est... Il est un peu mal écrit et surtout en fait, putain c'est une tête à claque ce mec-là. T'as envie de lui mettre des tartasses dans la tête en lui disant mais réveille-toi, c'est qui le bonhomme, c'est toi ou c'est Abby? Le danger de vouloir provoquer cette haine aussi envers Abby, de vouloir nous rattraper, de vouloir la réhabiliter, c'est que Naughty Dog aussi a fait appel à certains clichés et c'est ce que je reproche à Neil Druckmann, c'est que pour inverser en fait la tendance émotionnelle. Ils ont fait appel à des grosses ficelles. Alors je pense notamment déjà à Abby qui, c'est vrai, dans toute sa naïveté, était frêle dans sa jeunesse avec son père. Et puis là, qui s'est aguerri, qui a pris du muscle. Donc ça, c'est aussi un peu un cliché. Genre, au début, j'étais fragile, j'étais naïve. Et puis finalement, avec le monde post-apo qui s'est développé, j'ai pris du muscle pour me défendre. De la part de Naughty Dog, je trouve que c'est assez light quand même. Alors évidemment, la teneur globale était plutôt positive pour le jeu, mais voilà, ils avaient quand même des points de désaccord. On a entendu Laurelie Birba et Maxime Chao, les rédacteurs en chef du site jeuactu.com. Alors parlons justement de la réception des nouveaux personnages de Last of Us 2 qui ont créé débat. Alors que notamment le personnage d'Abby, pour moi, est mon personnage préféré. Donc comment vous ressentez tout ça, vous, Loïc Bartolini? Oui, sur le, alors le personnage d'Abby, je préfère le dire, on n'a pas encore fini le 2. Donc oui, je donc sais que justement, il y a encore beaucoup de choses à vivre. Pour l'instant, on est dans le déni. J'ai presque envie de dire. Mais. C'est fait pour ça, le jeu, c'est fait pour ça. Mais ce que j'ai aimé justement par rapport aussi même au côté sexuel de chaque personnage, c'est qu'ils en font pas un sort. Non. Je veux dire, voilà, elle est homosexuelle. Point. On n'en fait pas. Et ça, franchement, c'est super agréable parce que c'est le devoir aujourd'hui des films, de toute la culture, de dire, ben, c'est ça la réalité. On n'est pas là pour juger ou pour en faire quoi que ce soit. Après, effectivement, j'ai ouï dire qu'il y avait eu sur le côté du personnage d'Abby où il y avait eu beaucoup des levées de boucliers autour de ce personnage. Ça a même été loin parce que le réalisateur, le Neil Druckmann a reçu des menaces de mort, ouais. Sa famille également. L'actrice qui double Abby a reçu aussi des menaces de mort de la part de la communauté des fans. Ça a été très très loin avec des accusations antisémites pour Neil Druckmann en disant mais oui, ça ne m'étonne pas que vous ayez fait ce genre de jeu. C'est allé très très loin. Mais c'est le problème du blockbuster, c'est-à-dire qu'on sait que ce genre de jeu va toucher un public mais tellement large et tellement énorme que ils ont une responsabilité. Alors c'est génial d'avoir cette ambition de dire voilà, on va montrer le monde tel qu'il est, mais fatalement on se tape tous les haters internet et la lit la lit. C'est clair, je me souviens de quand un des trailers est sorti où c'était la fameuse soirée où on peut spoiler un trailer normalement, oui. Tout le monde l'a vu où donc Ellie et Dina s'embrassent au milieu d'une fête. Il y a eu pendant plusieurs semaines sur Twitter des hordes de mecs pour la plupart d'ailleurs, mais complètement choqués de se dire oh là là, on va jouer une homosexuelle, non mais qu'est-ce que c'est que ce choix, c'est n'importe quoi, moi j'y retrouve pas mon compte, voilà. C'était quand même hallucinant. Je trouve que c'est vraiment une chance énorme justement de proposer ce type de représentation dans un jeu, dans un triple A comme tu disais. Et même pour le physique d'Abby, où on un des personnages de Last of Us 2 qu'on a accusé d'être trop musclé, j'ai trouvé que c'était personnellement un énorme progrès d'avoir un personnage féminin sportif avec des gros bras parce que elle fait du sport, elle est sportive et elle a donc un physique de sportif. En plus, moi, quelque chose qui me fait énormément plaisir, c'est que quand on regarde le chemin parcouru, on vient quand même de Lara Croft. Et qu'on arrive aujourd'hui à Abby, c'est quand même signe que les temps changent et vont quand même dans la bonne direction. Et pour ce qui est d'Abby, moi j'irai un peu plus loin en disant que effectivement c'est quelqu'un qui physiquement est très massif, mais elle a une personnalité, je trouve, on sent une fragilité en elle et on a l'impression que ce côté physique, c'est une barrière qu'elle a mis pour justement se protéger. Et ça, c'est vraiment la qualité d'écriture de Naughty Dog, encore une fois, parce que rien n'est dit, c'est pas souligné, ils en ont pas fait des caisses, c'est juste pour peu qu'on passe du temps et qu'on prenne le temps de vivre avec ces personnages-là. C'est l'interprétation que j'en fais moi, qui me convient tout à fait. Mais moi aussi, je vous rejoins là-dessus parce que c'est vrai que la scénographie dont on parlait au début et de l'importance de la narration, c'est quelque chose qu'on retrouve habituellement dans le théâtre ou au cinéma. Et là, dans un jeu vidéo, c'est très très fort. Par exemple, Joël a une montre qui lui a été offerte par Sarah, sa fille, et qui est cassée et donc arrêtée. Et à chaque fois, sans qu'il y ait des tonnes de dialogues, il suffit de voir cette montre cassée pour comprendre ce que ça signifie pour Joël, sans faire d'emphase, sans en faire des tonnes, mais on comprend. Et ça s'appelle l'art de la narration, et c'est quelque chose qu'on avait moins l'habitude de voir dans les jeux vidéo, surtout dans des mondes comme ça aussi vastes. Il y a même une scène où justement Ellie évoque Sarah, donc auprès de Joël, et Joël, en fait, la seule réaction qu'il a, c'est de passer sa main sur cette montre-là. Et c'est juste ça, et en fait, c'est très fin, et c'est tellement gratifiant pour le joueur de... Enfin, parce qu'encore une fois, on n'en fait pas des caisses, quoi. Muriel Pérez, ce débat sur l'hyper-violence de Last of Us, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui peut être très très violent, mais comment vous l'avez ressenti, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, je trouve qu'il y a une vraie évolution entre le premier jeu, enfin en tout cas la première partie du jeu, et la deuxième. Dans la première partie, la violence est vraiment extérieure, on vit des moments forts, il y a quand même du cannibalisme, les humains qu'on rencontre sont pas très sympathiques pour la plupart, et on rencontre aussi de temps en temps des êtres auxquels on s'attache et qui vont évidemment mourir, donc c'est très très violent, ça. Donc, il y a les infectés. Donc, il y a les infectés, donc, sont quand même encore des êtres humains. C'est pas des zombies. Ils sont pas morts dans le sens où, en fait, donc, ils ont été infectés par ce champignon qui prend leur contrôle et qui va les faire passer par 4 stades d'infection. Stade. Même plus. Oui. Non, bah, non, il y a 4. Il y a les coureurs. Bon d'accord, il y en a 7, ok. Non, bon. Non, pas 7. Ah non, c'est parce que j'ai mal fait avec les doigts. Il y en a 6. Il y en a 6. Je suis très, très nul en maths. Non, mais il y en a 4 dans le premier, parce qu'il y a deux nouvelles, effectivement, deux nouveaux stades qui apparaissent dans cette deuxième partie. Bon, ce que je voulais dire, dans le premier jeu, la violence est vraiment extérieure. Mais en fait, ce à quoi on assiste dans la première partie du jeu, c'est cette relation qui se construit entre cet homme dévasté, Joël, et Ellie, alors que dans la deuxième partie du jeu, la violence, là, elle est vraiment portée par Ellie, qui est mue par un besoin, un désir très fort de vengeance. Et ça, c'est quand même par moments assez pénible à vivre. La violence, elle est là aussi. Et oui, il y a de la violence dans Last of Us, mais il y a aussi des moments comme ça, et c'est des moments qui vous chopent. Voilà, c'est un moment donné là, pour cette reprise de A. C'est Ellie qui va dans un magasin, qui trouve une guitare. Joël lui a appris à jouer, et on peut soi-même en tant que joueur faire les accords comme ça via son petit pad de PlayStation et faire cette chanson et découvrir au fur et à mesure que c'est Ara, que c'est Take On Me. Et en même temps, j'ai trouvé ça formidable parce que Ellie, elle est née après cette pandémie. Donc c'est-à-dire que AA, telle que nous on l'a connue, elle l'a pas connue. Elle a pas connu la version originale. Elle a juste vu la partition. Et donc en fait, c'est sa version. Pour elle, peut-être que AA, c'est ça. Ou comme me dirait la réalisatrice, peut-être qu'elle sait pas jouer. on a eu un débat sur la guitare. Et justement, parlons de la musique, parce que je sais qu'on va recevoir une tonne de mails si jamais on ne parle pas de la musique, Mathias. Gustavo Santa Olalla. Je préférais que ce soit vous qui le disiez. Voilà. Et en fait, c'est donc un autodidacte argentin, je crois, il est d'Amérique du Sud en tout cas, c'est sûr, qui avait réalisé la musique de Brokeback Mountain, par exemple. Et Babel. Babel, pardon. Tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Et il a été contacté par le studio, et c'était son premier jeu vidéo. Et lui, il a une façon de travailler, il prend le script, et il fait la musique, et après, on ajuste. Et donc, il a fait un truc qu'on retrouve dans toutes les grandes musiques de John Williams, par exemple, c'est-à-dire que chaque personnage a son instrument, et puis, et donc là, on a... Un charango, je crois. Charango, c'est ça. C'est ça, hein, c'est un instrument, c'est comme une guitare 12 cordes, mais pour les enfants, un tout petit truc. Et donc ça, c'était Ellie, dans le premier Last of Us. Et Joël, à lui, c'était une basse 6 cordes, qui est un instrument qui fait des notes très très graves. Les deux se retrouvent sur la guitare, tout simplement. Et donc la guitare, c'est un symbole qui est extrêmement fort, et musicalement, chacun a son thème. Et dans l'aventure, les thèmes rentrent, sortent et participent vraiment à l'émotion. J'ai pleuré beaucoup grâce à ou à cause de Gustavo. Et la guitare, c'est aussi le lien très fort qu'il y a entre Joël et Ellie, puisque c'est lui qui apprend à Ellie à jouer de la guitare. Et donc c'est quelque chose qu'elle va garder évidemment toute sa vie, on imagine. Enfin. Avec une singularité, il a cette manière de laisser, je l'ai vu, j'ai aucun mérite, hein, il le dit dans le podcast consacré à la sauce, excellent podcast fait par PlayStation autour du jeu, où il explique qu'il aime les sons des doigts sur les cordes qu'il laisse glisser, parce que d'habitude il y a beaucoup de musiciens qui ont envie d'effacer en studio ce son-là, et lui il a voulu le garder, parce qu'il trouve que les imperfections, c'est son inconscient qui exprime aussi quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'il laisse aussi des fois un petit son qui sature sur des basses, tout ça, parce que dans ces imperfections-là, ça raconte aussi quelque chose des personnages. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire d'écouter, si vous voulez prolonger la découverte de l'univers Last of Us, le casque et l'enclume de Jean Z, qui a un excellent podcast sur ce jeu, où il parle du deuil, parce que on l'a pas assez dit, c'est aussi un jeu sur le deuil, et donc voilà. Le podcast PlayStation et celui de Jean Z, le casque et l'enclume. Loïc, Valentine, vous en êtes à mi-parcours du 2. Ouais, un peu plus. Donc, et j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée de faire ce jeu de concert. Comment ça se passe? J'aimerais savoir. Alors, pour tout vous dire, j'ai découvert The Last of Us avec la première partie avec Loïc. Et lui avait déjà joué. Donc en fait, j'ai commencé à jouer. Non, c'était avant qu'on se rencontre. Voilà, c'est ça. C'est juste que moi, je me chiais dessus en jouant tout seul chez moi. Et quand j'ai rencontré Valentine et que j'ai vu qu'elle aimait les jeux vidéo, je lui ai dit, il faut que tu fasses ce jeu. Mais comme ça, on était à deux. C'est ça. Donc du coup, j'avais un support trop moral pour me soutenir à côté dans ces phases de tension extrême. Moi, je suis très flippette ce genre de jeu. Donc c'était vital pour moi d'avoir quelqu'un à côté de moi. Et donc du coup, quand la deuxième partie est sortie, on s'est dit comment on va faire en fait, parce qu'on est tous les deux très très, on se réjouit beaucoup de jouer à ce jeu, mais finalement comme le gameplay en lui-même est assez basique finalement, et moi ce qui m'intéresse en tout cas c'est vraiment la narration, tout ce dont on parlait tout à l'heure, on s'est dit bon bah finalement est-ce qu'on se passerait pas la manette, on se fait une mission chacun. D'accord, et puis on se soutient moralement, c'est exactement comme ça se passe. Alors dans quelques instants on va jouer, mais pour le moment on va écouter Mustapha avec Stay Alive. Là c'est, voilà, il y a ma langue qui est partie en vacances avant moi. Stay Alive. A bottle of lean, a gun in your jeans and a little faith in me. A plane in the sky, the only starlight on this never-ending street. The cameras in cops, we could have been stars on our mother's new screens. On our mother's new screens. All of these traps and all of these street signs, none of them will be yours or mine. But I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive. These colors and flags, the sweat on your back, you're doing what you can. Pride in your hand, a price on your head, you can never let them win. Just put down that bottle, tell me your sorrows, I care about you, fam. I care about you, fam, oh, oh. All of these traps, and all of these street sounds, none of them will be. But I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive. And if they take it all away, our freedom and our hearts and that glow in your face, I'll remind you who you were before it changed. All of these tribes and all of these street signs, none of them will be yours or mine. C'était Mustapha avec Stay Alive. Et maintenant, on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Xavier au téléphone. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez joué à Last of Us ? Oui. Le 1, le 2, les 2 ? Les 2. Les 2 ? Les 2, les 2. Et qu'en avez-vous pensé ? Bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, attention, j'ai bien aimé. Costaud, ça ne me dérangeait pas du tout. Ça ne dérangeait pas. C'est parfait. C'est parfait. Pas du tout, au contraire. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu ? Oui, oui, oui. Alors, je suis obligé de refaire l'article. Je pose une question, vous avez 20 secondes pour y répondre. Et si vous n'avez pas la solution, vous pouvez faire appel à un joker, c'est-à-dire un des invités autour de la table qui va répondre à votre place. Ok. On y va. Comment s'appelle le champignon originaire de l'infection ? Alors, les initiales, c'est le ICC, mais alors le nom... Moi, je veux pas les initiales. Moi, je veux le vrai nom. Mais de toute façon, je crois que même les invités ont... Oui, je sais. Ah, Muriel a l'air de savoir. Eh ben, je vais demander le joker Muriel. C'est le cordyceps. Bravo ! Le cordyceps, ce champignon est une espèce très particulière qui a pour propriété d'infecter les insectes entraînant leur mort. Il peut aussi parasiter les autres champignons, mais c'est très très bon en omelette. Question suivante. Combien de types d'infectés peut-on croiser dans la série The Last of Us ? Quatre types ? Quatre dans le 2-6. Xavier, voilà, vous êtes pas tellement content de m'avoir au téléphone, vous voulez couper court à cette conversation, j'ai bien compris. Vous avez raison, c'est bien, 6 types. Durant le jeu, on peut rencontrer les runners, les stalkers, les clickers, les blotters, les shamblers et le rat king. Dernière question, de quel jeu est tiré le thème que vous allez entendre ? Alors ? De Crash Bandicoot. Eh bien oui, c'est le premier succès du studio Naughty Dog. Eh bien Xavier, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Bravo Xavier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors... Évidemment, cette émission a été extrêmement délicate à faire parce que il a fallu garder énormément de mystères sur les révélations. Il a fallu qu'on dise des choses quand même qui donnent envie aux gens de découvrir ce jeu. Mais finalement, quel est le plus grand conseil que vous pourriez donner à des gens pour qu'ils essaient ce jeu ? Parce que vraiment, moi j'aimerais qu'à la sortie de cette émission, les gens se disent « Ok, quelqu'un a une PlayStation ? Oui, je veux essayer Last of Us. » N'y jouez pas le soir, dans le noir, juste avant de se coucher. Il faut jouer deux jours. Ouais, deux jours, le matin, et faites autre chose après. Pour les flippettes, comme moi. Pour moi, ce jeu a répondu à une demande, c'est-à-dire que le nombre de films que j'ai vus où je me disais j'aimerais tellement contrôler, être ce personnage, et que je pouvais pas puisque c'est un film, je trouve que ça c'est le premier jeu qui permet de le faire. Qui mêle action et narration, et donc du coup de prendre le contrôle de ce personnage et d'avoir à prendre des décisions qu'on espère n'avoir jamais à prendre dans sa propre vie. Muriel ? Bah, je ne sais pas, en tout cas, mais je sais une chose, c'est que dès que j'ai eu terminé le jeu, je l'ai immédiatement recommencé, parce que je voulais être sûre de ne rien rater, de tout revivre, donc voilà, je pense que c'est le gage quand même d'un jeu réussi. Mathias Laborel ? Ouais. Comme ça, je serais tenté de dire à 50 ans, si t'as pas joué à The Last of Us, t'as raté ta vie. Mais non, c'est une expérience émotionnelle forte. Et au-delà de ça, c'est une série de jeux qui pousse vraiment à la réflexion. Mm. C'est-à-dire que moi, après avoir posé la manette, fini les jeux, ou même pendant le jeu, plusieurs fois, je me suis vraiment posé des questions sur... Et moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurais fait ou qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Et vraiment, on sort de là un petit peu grandi. Enfin, ou en tout cas enrichi, et rares sont les jeux vidéo qui peuvent conduire à ça. Je le disais hors antenne, j'ai l'impression que Last of Us a vraiment réussi ce que, à mon sens, hein, c'est vraiment personnel, mais ce que Quantic Dream, ceux qui ont fait Beyond, Heavy Rain, ou tout ça, échouent de temps en temps à faire, c'est-à-dire faire un jeu qui arrive à faire avancer la narration toute sans oublier le joueur. Je pense que, encore une fois, la différence, c'est que c'est un studio américain et qui a une politique très participative. Et c'est peut-être ça qui peut faire la différence sur d'autres jeux. Eh ben, on va rester là-dessus. Je vous remercie. Loïc Bartolini, Valentine Roux, Muriel Pérez, Mathias Lavorel, merci d'avoir évoqué Last of Us. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc.